Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à notre commentaire médiatique. Les vaccinations peuvent-elles provoquer l'autisme? Le 26 avril, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, en bref phase, a publié, je cite, « Depuis des années, un faux bruit circule selon lequel la vaccination contre la rougeole peut provoquer l'autisme. Des chercheurs ont démontré maintenant que la vaccination ne présente aucun danger, même pour des enfants qui présentent un fort risque d'autisme. » Il s'agit donc de savoir si les déclarations du FAS peuvent être attestées ou démenties. D'abord, au sujet de la définition de l'autisme, l'OMS catégorise l'autisme comme trouble profond du développement. Il s'agirait d'un dysfonctionnement incurable de la perception et du traitement des informations par le cerveau. Les symptômes peuvent aller des petits problèmes comportementaux jusqu'à un handicap grave. Maintenant, il y a des études et des analyses différentes qui attirent l'attention sur une relation entre la vaccination et l'autisme. En 2000 a eu lieu une rencontre passée inaperçue aux yeux du public entre de hauts fonctionnaires du CDC, qui est l'autorité des épidémies des États-Unis, les principaux spécialistes des vaccinations à l'OMS et les représentants de tous les grands fabricants pharmaceutiques de vaccins. Ils se sont réunis pour discuter d'une nouvelle étude inquiétante. L'analyse d'enregistrements médicaux de 100 000 enfants montrait que manifestement le thiomersal, un conservateur à base de mercure contenu dans les vaccins, serait responsable de l'augmentation dramatique des cas d'autisme parmi les enfants. Le thiomersal a été développé en premier par le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly, qui est un des plus grands et des plus influents du monde. Dès le début, en 1930, Eli Lilly savait que ce produit provoquait des dommages chez les animaux et aussi chez les hommes et qu'il pouvait être mortel. Beaucoup d'études attiraient l'attention sur le risque des vaccinations pour le cerveau des animaux et surtout des enfants. Dès les années 1990, Maurice Hillmann, un des pères des programmes de vaccination du groupe pharmaceutique Merck, a mis en garde contre les risques que font courir aux bébés les injections de vaccins contenant du mercure. Malgré ces avertissements, le CDC a recommandé la poursuite de l'utilisation des vaccins contenant du thiomersal en 1991 encore. Avant 1989, les enfants américains d'âge préscolaire recevaient seulement 3 vaccinations. 10 ans plus tard, il y en avait 22 au total. À mesure que le nombre de vaccinations augmentait, le nombre des cas d'autisme chez les enfants explosait également. Mais ces enquêtes et ces études connues ne parvenaient jamais au grand public. Lorsqu'on a diagnostiqué l'autisme chez son petit-fils, Dan Burton, un républicain de l'Indiana, a déclenché une enquête concernant le thiomersal. L'enquête a duré 3 ans. Le résumé de son comité était le suivant, je cite, « Le thiomersal, utilisé comme conservateur dans les vaccins, est en relation directe avec l'épidémie d'autisme. L'administration chargée d'autoriser la mise sur le marché des médicaments aux États-Unis et d'autres organisations du contrôle de la santé publique ont négligé de prendre des mesures correctes et nécessaires. Les médias principaux ne mentionnent guère les nombreuses décisions de justice qui attribuent des indemnisations s'élevant à des millions pour aider durant toute leur vie des enfants après un dommage de vaccination. Pour conclure, nous mentionnons que sur la notice du vaccin de rougeole au rayon rubéole du laboratoire Merck et compagnie, les effets secondaires suivants sont dénombrés, encéphalite, c'est-à-dire inflammation du cerveau, convulsions et symptômes d'autisme. Mesdames et messieurs, en raison des faits et des études évoquées ici, il y a, contrairement aux affirmations du journal FAS, des rapports très clairs entre les vaccinations et les risques d'autisme parmi les enfants. Au revoir, chers téléspectateurs, et bonne soirée.